La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Bienvenue tout le monde sur La réalité augmentée. Je vais gagner. Je suis ton animateur pour cette émission cette semaine et pour m'accompagner dans les confins les plus lointaines de l'univers. Avec moi, mon comparse de longue date, de toujours, il beugle sa vie et il n'est pas toujours compréhensible, mais tellement adorable avec son poil. J'ai nommé Luc Desormeaux. Ben, je pensais que t'as un petit co-animé avec Chewbacca, je n'étais plus sûr. Là. Ben, c'était ça, le gag. Ah, OK, c'est pas pire, au moins je l'ai pogné, ça a de l'allure. Hey, salut. Salut. Cette semaine, à l'émission, nous allons parler en duo du film Solo, Star Wars Story, le film sur les origines du personnage qui était à la base campé par Harrison Ford et qui, là, est repris par Alden Ehrenreich. Ehrenreich, est-ce que je l'ai dit comme du monde? Pas ça. Ouais, quelque chose à même. De toute façon, il n'écoutera pas l'émission, donc il ne se sentira point insulté. On espère pour lui. On va parler du film en long et en large. Et comme c'est le cas souvent dans nos émissions sur un film, sur un truc, on va spoiler abondamment. Il y a plusieurs trucs fort importants dans l'histoire qu'on va raconter dans cette émission-là. Alors, si vous n'avez pas vu le film, on vous invite à faire pause. Vous rendez au cinéma, allez le voir, ça va aider son box-office qui est en voie d'être nommé comme étant... Le pire film de Star Wars. Ouais, au box-office, le pire de toute la grande saga et la grande famille des films de Star Wars. Donc, on vous invite à aller le voir avant de continuer la suite de l'épisode parce que nous allons divulgâcher. Ouais, ou aller le voir avant qu'il sorte des cinémas parce que ben si c'est plus payant, ils vont juste le sortir. Exact. Ouais. Luc, je te laisse le soin de nous faire un résumé de ce qui se passe dans ce film. Bien, on retrouve un jeune Han Solo qui est déjà un jeune qui a des problèmes, donc un jeune qui vole et qui essaie de s'en sortir du mieux possible sur c'est un petit bum, mais qui, tu sais, qui essaie de s'en sortir tant bien que mal. Parce qu'il est pas riche et puis il travaille pour une espèce de chef de pègre de sa planète, tu sais, ça c'est un autre un peu bizarre. On est allé chercher clairement une espèce on est allé chercher vraiment comme l'inspiration de Retour du Jedi. On avait Jabba qui était une espèce de limace géante, mais là-dedans on a aussi une espèce de limace, mais qui vit dans l'eau au lieu de vivre sur la Terre. On dirait un mille-pattes. Ouais, c'est ça. Qui est l'espèce de boss de la planète Corellia, là, qui est la planète d'origine de Han Solo, et aussi de quelques vaisseaux qui sont construits là. La corvette corellienne, qui est la navette où la princesse Leia se fait capturer au début du épisode 4, qui est le premier Star Wars qui est sorti au cinéma. C'est une corvette corélienne, donc ça vient de là. Mais c'est vraiment une planète industrielle où les enfants ont pas vraiment leur place. Beaucoup, on imagine que Han Solo est un orphelin parce qu'on n'entend pas parler de ses parents ou rien là. Et puis il essaie de faire un job pour cette espèce de limace boss de la pègre là, et ça tourne pas bien. Donc, on va le suivre à travers ses péripéties pour essayer de s'en sortir et devenir le personnage qu'on connaît aujourd'hui, qui est contrebandier, t'sais, beau parleur et tout ça. Donc, c'est vraiment ses origines, d'où il est parti. On explique un peu trop certaines choses qu'on n'avait pas vraiment besoin de se faire expliquer, par exemple. Mais c'est un film qui reste là, quand même... intéressant, peut-être plus que certains autres films de Star Wars qui sont sortis auparavant. Là. Mais c'est ça. Donc, on suit vraiment l'histoire de Han Solo, de ses débuts, aller jusqu'à presque Star Wars épisode 1 là, ou un peu avant, épisode 4 ou un petit peu avant. Ça se place entre le 3 et le 4 dans la période de temps. Il y a quoi? Entre le 3 et le 4, il y a peut-être... C'est pour avoir, je pense, une trentaine, 35? Quelque chose de même, 25-30 ans là, dans ce coin-là. entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Là. Luc vient au monde à la fin d'épisode 3, puis il a quoi, à peu près 19 ans? Je dirais une vingtaine d'années. Ben, Luc et Léa, mais ça, on le sait pas. Luc et Léa, c'est ça. Donc. Mais ouais, c'est ça, il y a à peu près une trentaine d'années. En tout cas, il y a de l'air d'un jeune pilote, peut-être plus une vingtaine d'années. Ce qui veut dire que à ce moment-là, déjà les deux grands partis, là, l'Empire et la Rébellion, ça existe déjà, non? Ben, la rébellion est en train de se former là, vraiment un peu plus. L'Empire, on le voit, est là et probablement à sa pleine puissance. Là. Mais la rébellion commence à se former. J'ai un peu c'est dur un peu à suivre vu certaines choses qu'on voit dans le film. Là, quand est-ce que ça se place? Mais théoriquement, ça devrait se passer avant la série télé, le Star Wars Rebelle. Mais ça devrait se passer après l'épisode 3, probablement aussi avant Rogue One, parce que la fin de Rogue One, c'est vraiment le début de Star Wars épisode 4. Ça s'enchaîne très bien si on les regarde l'un après l'autre. Mettons que chronologiquement, les films, on dirait 1, 2, 3, Solo, Rogue One, 4, 5, 6. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, OK. Je pense que c'est la chronologie là, officielle de Lucasfilm aussi, là. De Solo passe avant Rogue One. Il ne peut pas passer vraiment après Rogue One. Parce que les événements quand les événements se suivent, puis Han Solo est plus vieux aussi. Ouais, un petit peu. Hein. Dans l'épisode 4. Donc, j'espère, parce que sinon, je sais pas, il a dû manger un coup de pelle ou quelque chose parce que les deux gars se ressemblent plus. Il y a une reconstruction complète du visage, là, parce que les gars se ressemblent pas tant que ça. Fait qu'il faut qu'il se passe pas mal de temps entre Solo puis l'épisode 4 parce que Han Solo prend un petit coup de vieux. Ouais. De toute façon, peu importe, là, qu'est-ce qui se passe dans le film? Solo est dans le trouble, il y a une dette, il va tenter de rejoindre un groupe qui. Ben, en fait, il réussit à se sauver en prenant part à l'armée de l'Empire pendant 3 ans. Ouais. Trouve du monde. Donc, on ne voit pas. Mais que. Fait que là, ça fait de plus en plus de personnages qui ont été dans le mauvais camp avant de revenir du côté du bon. Là. On a Solo, on a Finn, on a. C'est ça, je pense que c'est les deux seuls qui ont bifurqué. On a dans Rogue One, le créateur avait laissé une faille volontairement. Est-ce qu'on peut le mettre du côté des gentils? Je ne sais pas. Ouais, il a travaillé malgré. C'était pas vraiment. C'était pas de son plein gré, mettons, qu'il travaillait avec l'Empire là, pour bâtir l'Étoile Noire. Là. Donc, non, c'est ça. Ouais. Donc là, Solo, pour se sauver de justement là, ces brigands-là de sa planète, où est-ce qu'il est avec sa copine, se ramasse dans une genre de gate, là, comme une douane, se ramasse séparé de sa copine Kira, doit s'enrôler dans l'armée. C'est sa manière la plus rapide d'avoir accès à un entraînement de pilote, à pouvoir revenir sur cette planète-là via l'armée de l'Empire. On le retrouve 3 ans plus tard, il est sur le champ de bataille et va se rendre compte qu'il y a certains personnages qui sont là, qui se font passer pour des gens de l'Empire, mais qui n'en sont pas vraiment, qui ont l'air à servir leur propre cause. Ouais. Là, s'enchaîne un heist de train qui vire mal. Après ça, ils ont une dette envers leurs créanciers. C'est comme la deuxième fois, là. Il y a une redondance. Il y a deux dettes. Ouais. Il y a deux dettes. Là, cette fois-là, ils vont décider de. C'est le genre de fuel qui permet d'aller dans l'hyperespace, qui essaie de mettre la main dessus. Sur un convoi de train, ça échoue. Grosse explosion. D'ailleurs, j'ai trouvé ça super cool que ça implose. C'était nice. La deuxième shot, ils vont plutôt y aller directement à la mine, où est-ce que le produit est créé. Ouais, mais une mine qui n'est pas contrôlée par l'Empire. Ouais. Ouais, mais qu'il y a des esclaves et tout, là, mais il réussit à ramasser le stock pour le ramener à, comment est-ce qu'il s'appelle le personnage, Dryden Voss, qui est le dude qui est comme leur parrain là, dans tout ça, là, qui tire les ficelles. Et grosso modo, c'est ça, c'est deux heists. C'est un heist movie, là. C'est un film de vol et de voleur de grand chemin. C'est un peu un western dans l'espace, tu sais. On a sauté une coupe d'espace. Oui, tu sais, t'as dit, il s'est sauvé tout ça. Mais la partie qui m'a un peu gossé, je pourrais dire, c'est que c'est un des bonzes de l'Empire qui donne son nom parce qu'il n'y a pas de nom de famille. Il veut pas, soit qu'il n'y en a pas, soit qu'il ne veut pas le donner. Puis il arrête pas de dire bon, c'est quoi, tu sais, quand il veut s'engager dans l'Empire pour se sauver, parce que c'est la seule manière, s'il s'engage pas là, ils vont s'apercevoir qu'il a passé illégalement, puis il va se faire arrêter, tout ça. Donc, il va tout simplement, tu sais, arriver pour s'engager dans l'armée, puis il va dire, c'est quoi ton nom? Anne quoi? Il dit juste Anne. Il dit, bon, mais ça prend absolument un nom de famille pour remplir le formulaire, fait que vu que t'es tout seul, on va t'appeler Solo, tu sais. J'ai trouvé ça un peu facile de dire, bon, ben, tiens, c'est lui qui va lui donner son nom. T'sais, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on laisse quelqu'un qui fait partie des gros méchants de la saga Star Wars en presque en entier, puis dire, bon, ben, c'est lui qui va avoir donné le nom de famille d'un des héros que les gens aiment le plus. Ouais. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. C'était pas nécessaire d'avoir des réponses à toutes. Comme ça, c'était pas un truc qui, tu sais, c'était son nom de famille là. C'est, oui, pour nous autres, ça veut dire solitaire, mais dans l'univers de Star Wars, Solo, ça peut dire n'importe quoi. Ça peut dire n'importe quoi là, tu sais, ça peut être une autre langue, puis gars, on n'est pas obligé de la comprendre. J'ai trouvé que c'était faut trouver quelque chose pour expliquer chacune des affaires. Particulièrement au départ, là, tu sais, les fameux dés là, qui sont accrochés au rétroviseur là, du Millennium Falcon. Ouais, qu'on voit littéralement là, une seconde et quart dans épisode 4, ouais. dans Un Nouvel Espoir. Là, on les voit comme vraiment comme une couple de secondes quand Chewbacca les accroche en s'assoyant. Là, puis tu vois les dés bouger au plafond. Là, mais si tu regardais pas là, tu l'as jamais vu. Non, c'est ça. Puis là, depuis que le 7 et le 8 sont sortis, semble-t-il que ça, c'est le symbole de Han Solo. Puis là, ben, on a pris « Ah, ben écoute, c'est le symbole de Han Solo. On te le montre, puis on te les montre, puis on te les remonte. » Pour dire « Hey, c'est Han Solo, ça, là. » Puis il le donne à sa blonde, Kira, quand il se sépare. Elle y redonne à un moment donné. « Oh, là, c'est de l'espoir. Hein, elle l'a pas oublié. » Là, c'est comme « Ok, tu me pousses ça dans le fond du gorgoton, là. C'était pas obligatoire. Mais bon, c'est correct, les dés, là. C'est un petit... Tu sais, faut dire qu'on fait beaucoup ce qu'on appelle du fan service, là. C'est faire triper les fans de la première heure parce que c'est eux autres qui amènent le gros cash au moulin, là, à un moment donné. Mais tu sais, t'es pas obligé de tout expliquer. C'est comme, tu sais, bon, c'est le personnage de Woody Harrelson qui donne le fusil iconique à Han Solo. C'est correct. Il pitch un fusil mané, ben c'est là que son fusil vient de là. La partie qui m'a un peu gossé, mais qui est quand même... C'est loin dans le film parce qu'il y a une couple d'affaires, là. Au début. Ben, pas mal au début. Là, même quand tu dis qu'il se sauve là, avec le personnage de Woody Harrelson, là, qui est Beckett, là, il se sauve avec lui, mais avant ça, il se fait capturer, il se fait poignarder dans le dos par Beckett qui dit à l'Empire, regarde, lui, c'est un déserteur, croyez pas ce qu'il va vous dire, arrêtez-le. Fait que parce qu'il était sur le personnage de Solo était sur le bord de dire que eux autres c'était des contrebandiers puis qu'ils étaient là pour voler quelque chose. Bon, puis tout ce qu'il voulait, c'est vraiment faire partie du groupe pour lui aussi pouvoir se sauver. Mais là, l'Empire le capture et le lance dans une espèce de trou avec une grille qui ressemblait étrangement beaucoup, peut-être même un peu trop, à quand Luke se fait lancer dans le pit du Rancor dans Star Wars Le Retour du Jedi. Puis là, je me suis dit, bon, deuxième référence à un peu à Jabba dans ce film-là. Le premier avec la limace, qui était Lady Proxima. Puis la deuxième avec ça. Et puis là, ils disent, bon, lance-le à la bête. Ça fait comme 3 jours que je l'ai pas nourri. Fait que ça va être drôle à voir se faire dévorer. Fait que là, finalement, Chewbacca mange de l'humain. C'est ce qu'il faut en comprendre, là. Ce qu'il rencontre Chewbacca dans le trou, puis si tu te fais pitcher là, puis t'en ressors pas, puis tu l'as pas nourri, ça veut dire que Chewbacca, avant de rencontrer Han Solo, il mangeait de l'humain. Ouais, ben là, en cas de survie, moi, ça m'a pas accroché, quand même, mais OK. Ouais. Quand même, c'est un des personnages les plus aimés de Star Wars. Puis là, tu dis, bah ouais, il mange de l'humain dans ses temps libres. Là. Il aime bien ça avec un petit peu de sauce barbecue. C'est un peu OK. OK, peut-être, tu sais. Moi, ça ne m'a pas accroché, mais oui, j'avoue que la réflexion est là. Tu sais, puis c'est bien trop facile pour Solo de sortir de ce trou-là, là. Puis de juste arriver puis dire, ah, mais tu sais, au lieu de me manger, là, Si tu viens avec moi, je vais t'aider à sortir parce que moi, je me sauve d'ici. » Puis là, tout d'un coup, c'est comme Chewbacca qui a pas mangé depuis 2 jours, qui a tué toutes les autres personnes qui a été tombé dans le trou avec lui, se dit « Bah, pourquoi pas? » Il y a pas personne d'autre qui a essayé d'y passer la passe du « Je veux me sauver d'ici, fait que viens, mais tu sais, fait que allie-toi à moi. » Il y a peut-être personne d'autre qui parlait sa langue. Peut-être. C'est sûr que Han Solo, par quelques miracles qu'on nous explique pas, sait parler Wookiee. Bon, on le sait que dans les films, il sait parler Wookiee, là, dans l'épisode 4 et tout ça, mais par hasard, là, il sait comment parler Wookiee, puis à ce qu'on sache, c'est-tu le premier Wookiee qu'il rencontre, on ne sait pas si on n'entend pas parler. Mais ça m'a juste un peu gossé, même si la scène en général est cute puis est cool, là, c'est comme ça que nos deux héros se rencontrent. J'ai trouvé que ça aurait peut-être pu être fait autrement, tu sais, pas dans le fond de « Ah ben oui, il mange de l'humain de même », tu sais. J'aurais trouvé ça bizarre un peu, mais bon, regarde, c'est ça. J'ai aucune décision à prendre dans l'histoire, puis ça a l'air que c'est comme ça qu'ils ont décidé de le faire, mais moi, ça m'a gossé un peu, tu sais. Moi, c'est pas le bout qui m'a accroché le plus, là, mais... Je regarde le toutou de Chewbacca, là, sur ma tablette, présentement. Tu voulais faire un steak, là. Ben là, j'ai un petit peu peur qu'il me saute dans la face pour me bouffer. Pendant toutes ces années, tu le pensais gentil, mais dans le fond, hein. Il attend juste une occasion de se faire un barbecue. C'est un mangeur d'hommes. C'est ça. Il te donne des tapes dans le dos, puis il est tout cute avec toi en disant, toi, la journée que tu meurs, je te fais griller avec des Ouais, mais dans un cas de survie, il n'y a peut-être pas eu le choix. Puis, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas nourri, mais ils n'ont pas dit de quoi. Là. Ça se peut que ce soit des cochons, des bêtes, whatever. Là. Ouais, on pourrait peut-être penser ça, mais bon, ça reste que j'ai toujours la tête, dans la tête que, ben, tu sais, ils mangeaient de l'humain pareil. Je sais pas jusqu'à quel point les autres fans en veulent au film de Solo pour ce point-là. Et non pas pour les autres qu'on va mentionner plus tard. Ben oui, mais je suis pas le seul à l'avoir mentionné, ouais? Cette partie-là. Okay. Là, ouais. J'ai entendu d'autres mondes le mentionner aussi, fait que, gars, je suis pas tout seul. Okay. Ben, écoute, deux dans l'univers, mais deux, c'est pas un. Moi, j'ai vu le film hier, fait que c'est frais. J'ai pas vu d'autres critiques, j'ai rien vu là, sur YouTube, j'ai rien. Okay. Toi, ça fait un petit peu plus longtemps que tu l'as vu aussi, fait que t'as eu le temps de décanter un petit peu les trucs. Fait que moi, c'est quand même à chaud, là, mes commentaires aujourd'hui. Là. OK. Avant que j'oublie, par exemple, il y a 2 choses que j'ai trouvées cool dans le film qui sont des références à des choses simili-obscures que seul soit un vrai fan ou quelqu'un qui a trop de temps pourrait savoir. Mais ils ont fait une référence à Horacing à un moment donné dans le... Il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est toi qui as tué Horacing, on a fait la même. » Je pense que c'est Beckett. C'est-tu Beckett ou c'est Kira ou c'est, en tout cas, quelqu'un a tué Horacing, puis Horacing, c'est le personnage que George Lucas a insisté à ce qu'il soit rajouté dans Star Wars épisode 1. On la voit à peu près 40 secondes. Une autre affaire, c'est comme les dés. Et puis, c'est une chasseuse de primes qu'on voit à un moment donné pendant la course de Podracer. Elle est sur une corniche en plein milieu du désert. Elle a une espèce de mohawk sur la tête. Elle est rasée partout tout le long. Puis elle a une espèce de bâton sur le dos. Ça, c'est Horacing. George Lucas voulait la faire rajouter parce qu'il y avait une idée pour avoir des histoires avec elle. Puis finalement, on l'a jamais pu revue. Mais on apprend dans Solo qu'elle s'est fait tuer par quelqu'un. j'ai trouvé ça un beau clin d'œil parce que c'est comme « Ah ouais, tu parles du personnage qui était supposé avoir de quoi avec, puis finalement, il n'y a jamais rien eu. » Mais c'est drôle que George Lucas a insisté qu'on la rajoute digitalement pendant la scène parce que il y avait un but pour elle. Puis finalement, il a utilisé « Ah, c'est-tu quoi? La chenoute! » Puis finalement, il n'y a rien eu. Puis à un moment donné aussi, vers la fin, on voit Kira se battre. Puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, il dit beau style de combat, t'as appris ça où? » Puis elle dit « C'est du terrasse cassis. » Et je ne sais pas si les plus vieux ou même plus jeunes qui ont une PlayStation 1 se rappellent, mais il y avait un jeu qui s'appelait Star Wars Masters of Terrasse Cassis qui avait sorti sur le PlayStation 1 et c'était un jeu de combat à la Street Fighter. Ouais. C'était dans le temps que Mortal Kombat puis Street Fighter, c'était vraiment hot. Ouais. Donc, on avait fait un jeu de combat dans l'univers Star Wars, ça s'appelait Masters of Terrasse Cassis, où Luke Skywalker vergeait à grands coups de sabre laser sur Han Solo, puis ça faisait juste des petits dommages. La barre commençait à descendre vraiment bas, fait que Luke Skywalker ou Darth Vader pouvaient se battre à gros coups de sabre laser, frapper du monde en pleine face, et ça baissait la barre d'abord de vie d'à peu près un quart de pouce. C'était vraiment comme pas bien pensé, là. Mais c'est un jeu qui était quand même cool dans son style. Tu pouvais débarrer des personnages, des costumes alternatifs pendant que tu jouais, là. Mais j'ai juste trouvé ça drôle d'entendre le mot terrasse cassie dans ce film-là. Fait que Ron Howard qui a, puis les Kasdan, là, Lawrence Kasdan puis son gars qui ont écrit le script, ont quand même fait leur devoir, pas si pire. Ça ressemble à ça parce que moi, ça me dit absolument rien. Une chance, t'es là. Ah, tu sais, mais moi, j'ai remarqué parce que c'était comme, tu sais. J'ai grandi avec ça, tu sais. Puis je suis vieux. Mm-hmm. Ça explique tout. Mm-hmm. Ceci explique cela. Mm-hmm. Mm-hmm. quoi dire sur ce film? Moi, j'ai bien aimé là, tout ce qui est heist. Ça faisait bien du sens dans les bandes annonces parce qu'à un moment donné, en allant au cinéma, tu te faisais mettre d'en face. Je pensais que la scène du train était plus. Plus grandiose que ce qu'elle a été réellement. Plus importante, peut-être. Ouais, je pensais que c'était le core du film et finalement, c'est presque anecdotique là, dans le film. C'est là où est-ce qu'il y a une première mission entre Solo et la gang de Beckett. Ouais. Beckett qui perd tous ses alliés sauf Solo et Chewbacca, fait qu'il est comme un peu dans le trouble. Ouais. Fait qu'il n'y a pas ben le choix de repartir avec eux autres. Solo veut pas. Veut pas abandonner ses amis, veut pas mettre en danger Chewbacca puis Beckett, donc décide de laisser aux pirates qui essayent de leur voler la cargaison, de leur laisser. Eux autres sont pas assez équipés, sont pas assez attachés, ça fait juste la dropper dans montagne, grosse explosion, et là ils ont une dette envers Paul Bettany. J'ai été un peu surpris que ce soit lui le vilain du film, mais il faisait ça quand même bien. Vision. Oui, Vision. Drayden Voss, mm-hmm. qui était le vilain. Et là, ben, ils ont une dette. Et là, ben, c'est le gros heist pour vrai dans la mine. Où est-ce que là, il y a plein de satires du papard de partout, là? Oui. Ouais, et où le robot. On rencontre Lando Calrissian avant aussi, là. Oui, c'est vrai. Qui est excellent. J'ai vraiment aimé la manière que Donald Glover l'a joué. Puis aussi, il faut dire, Alden Ehrenreich, là. Les mimiques, tu vois qu'ils ont regardé les films, ils ont regardé comment les acteurs originaux se comportaient pour, tu sais, au moins avoir les mêmes espèces de peut-être de tics ou, tu sais, à un moment donné, Aaron Reich, faut qu'il se place pour tirer du fusil justement quand il essaie de se sauver de la planète où il essaie d'aller voler l'espèce de d'essence, là, de fuel. Et puis, il y a vraiment comme la position qu'on voit Harrison Ford tirer dans épisode 4 quand l'Empire attaque le Faucon puis il faut qu'il se défende. Là, il y a comme l'espèce de même position. Fait qu'ils ont étudié ça. Puis les espèces de face puis de la manière que Donald Glover le jouait. Puis même, en le voyant en anglais, il a comme mimiqué la voix aussi un peu, les mêmes espèces d'intonations de voix. Fait que tu vois que les gars, ils ont travaillé fort. Puis c'était vraiment les deux qui avaient besoin de travailler le plus fort possible parce que les autres, c'était tous des nouveaux personnages puis tous des sacrifiables. Là. Tandis qu'eux autres, ben tu le sais qu'ils peuvent, tu sais, ils peuvent pas mourir, là, à moins qu'on clone Lando ou on clone Han Solo. Là, mais tu sais, on s'en allait pas vers ça. Fait que les autres, on s'en foutait un peu. Il n'y avait pas personne à imiter, mais ces deux-là, il fallait absolument qu'ils soient sur la coche. Puis je pense que Donald Glover en Lando Calrissian a peut-être mieux réussi même que Alden Ehrenreich. Ben, je sais pas si c'est parce qu'on a moins d'heures de film avec Lando qu'avec Han Solo. T'sais, veux pas, on a tellement vu de matériel. On a 5 films avec lui. Ouais, avec Han Solo. Avec Harrison Ford, puis on a quoi? On a 12 minutes avec Lando. Ben on a 5 films, si tu calcules sur. Ben, si tu calcules avec Harrison Ford, on a 4 films. Il a fait épisode 4, 5, 6, il a fait 7 où il meurt, puis après ça, c'est tout. Oui, là, c'est vrai, il n'est pas dans le 8. Il n'est pas dans le 8, il est déjà mort dans le 8. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que du temps de pellicule, puis de. Tu sais, Han Solo, c'est Harrison Ford, fait qu'on. On sait plus tout ce qu'il a fait dans plein de situations. Il était triste, il était le même, il était heureux, il était le même, il faisait des jokes, il était le même. Tu sais, on a tous les comparables. Lando, tu sais, t'as 8 minutes de film où est-ce que tu le vois, il trahit, puis merci, bonsoir. Ouais, mais après ça, il revient dans Retour du Jedi, puis c'est lui qui dans le Faucon, c'est lui qui pilote le Faucon avec Nom Nom quand ils vont détruire l'étoile noire pour la deuxième fois. Fait qu'il est là aussi. Là, ouais, mais il reste qu'il y a quand même moins de temps de pellicule et de vécu. Sûr, fait que de calquer ce que Lando fait, ben écoute, t'as un échantillon, puis tu pars de là, puis t'extrapoles, ça c'est me semble plus facile. Donc, ouais. dans les deux cas, puis ça, là, tu as tout à fait raison, on y croit vraiment, même si Alden Ehrenreich, il ressemble. Oui, tu sais, la wave de cheveux, là, y a le look, y a, tu vois qu'il y a le même linge. Tu le sais que c'est pas le même gars, là. Tu peux pas te tromper. Mais c'est vrai qu'il y a des instants, tu fais c'est vraiment ça, tu sais. Il réussit vraiment à aller avec des mimiques par rapport à Han Solo pour le faire vivre. Tu y crois que c'est le même personnage, même si c'est pas la même enveloppe corporelle. Oui, c'est ça. Puis c'est pas dérangeant de voir que c'est pas Harrison Ford. T'sais, j'aurais pensé que ça me gosserait plus que ça l'a fait. Tu t'habitues assez vite au nouveau visage du personnage, puis après ça, il y a assez d'action dans le film pour te faire penser à autre chose que moi, mais c'est pas Harrison Ford. Ouais, mais c'est pas Harrison Ford. Ouais, mais j'aurais pas aimé que ça soit Harrison Ford, mais avec une face rajeunie. Rajeunie, là, comme on a fait avec Princesse Leia, puis avec le commandant là, dans le set. Là. Ouais, ça aurait pas fonctionné sur plus que des scènes assez statiques comme c'était le cas là. Ouais, mais ils l'ont fait souvent. Ils ont rajeuni plein de personnages. Kurt Russell dans Gardien de la Galaxie. Puis, tu sais, ils l'ont rajeuni souvent. Ouais, Tony Stark aussi l'ont fait dans Civil War. Fait qu'on est capable de le faire, mais est-ce qu'on peut le faire pour un film complet? C'est peut-être un peu intense. Non, puis, faites pas ça, Non, non, c'est correct comme ça. Puis, tu sais, si on veut, tu sais, moi, j'avais déjà soumis l'idée à quelques-uns de mes amis en disant, tu sais, tu veux faire un Star Wars 7, 8, 9, reprends des nouveaux acteurs. Regarde, oui, on aime Mark Hamill, oui, on aime Harrison Ford, oui, on aimait Carrie Fisher. Mais tu sais, si tu t'as attendu trop longtemps, tu sais, c'est plate pour toi. Assume. Mais assume, puis t'sais, reprends les nouveaux acteurs, puis oui, ça va prendre un film, deux films peut-être avant que le monde s'habitue. Mais après ça, le monde va s'habituer, puis ça va être correct. Puis fais juste t'arranger pour que, tu sais, paye les acteurs originaux assez pour qu'ils disent « Ah ouais, non, ça fait mon affaire, je pense que c'est une bonne idée. » Puis les fans vont juste s'asseoir puis dire « Ok, ben si Mark Hamill pense que c'est une bonne idée, c'est correct. » Mais ça, tu sais, mais au lieu de ça, ils ont voulu reprendre les acteurs originaux, puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils tuent un par un dans les films parce que c'est plus vraiment leur histoire à eux autres, c'est l'histoire des nouveaux. Puis là, ben, Carrie Fisher meurt pour de vrai, puis là, t'es dans chenoute, tu sais. Parce que là, où ce qui était supposé s'en aller dans le 9, ils peuvent plus s'en aller là, puis là, ils ont tué Luke, puis tout à patente. Fait que le spoiler, mais tu sais. Fait qu'à un moment donné, il aurait dû faire du recasting, là, reprendre des nouveaux acteurs bien avant ça, puis on serait pas dans ce trouble-là là, de dire « Ok, mais là, Lando, okay, qu'est-ce qu'on fait avec Harrison Ford après? » Puis il a signé pour 3 films. Il va avoir d'autres films. Il devrait avoir d'autres. Est-ce que ça va être des films solo, de solo, ou ça va être un film autre, puis Han Solo va être dans le film? T'sais, on ne sait pas. Non, on le sait pas, oui. Mais il a signé pour 3 films, mais... Ils sont laissés du lousse, on va se le dire. Hein? Ouais, c'est ça. Mais Felicity Jones, de Rogue One, elle a signé aussi pour 3 films, puis à moins qu'il retourne dans le passé, son personnage est comme décédé. Mais tu sais, dans un film de solo 2, pourrait la croiser genre dans une aventure. Oh, il était dans la même ville au même moment, là, genre. Pourrait. Mais ça serait louche. Mais bon, tu sais, fait on sait pas trop, puis. Fait que je sais pas, tu sais, on aurait peut-être dû faire ça avant et ça aurait peut-être réglé plusieurs problèmes, mais là, on est rendu là. Mais est-ce qu'il fait un bon travail malgré tout? Je pense que oui. Je pense qu'il fait la job, puis il faut pas être trop dur avec lui. Lui, après la job, c'est pas lui qui a décidé que ce serait lui qui mais fait ça. Je pense pas que les critiques du film de Solo soient sur comment est-ce que Alden campe le rôle. Là. Je pense non, que non, ça non, non, là, non. Là. Non, c'est plus sur toute la généralité de la patente. T'sais. C'est que il s'est passé des choses assez dérangeantes un peu derrière la scène de ça. Il y avait deux producteurs qui avaient été engagés. qui étaient les deux gars qui avaient fait le Lego Movie. Mm-hmm. Puis c'est Kathleen Kennedy qui les a engagés. Puis c'est elle qui les a collés à la porte aussi. C'est elle qui les a mis dehors. Ben, elle les a mis dehors parce que il y avait des différences créatives. Ben, c'est okay. Tout le temps de même, là. Ouais, mais t'engages deux gars qui ont fait de Lego Movie. À quoi tu t'attends? Ben, il y avait la grosse tête, carré jaune avec un top sur le dessus pour mettre des chapeaux, là. Ben, c'est ça, mais non, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que ce soit un film hyper sérieux qui va être hyper dramatique ou tu t'attends à ce que ce soit plus une comédie romantique d'action? Fait que eux autres sont partis dans l'idée que c'était pour être un comédie romantique d'action. Puis finalement, ben, comédie romantique, on parle, tu sais, l'histoire avec Kira pis la patente, là, mais comédie d'action. Puis finalement, Kathleen Kennedy, elle, non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Différence créative, bye-bye les deux. OK, mais t'es engagé, tu savais ce qu'ils faisaient comme style de film. Mais ces gros studios-là, c'est rendu, c'est des commandes. Ils veulent quelqu'un qui est là pour watcher que le film qu'eux autres ont en tête se crée. Là. C'est pas pour rien que... c'est qui le dude qui a fait le premier Avengers? Hein? Il était censé être là pour les autres Avengers. Il est plus là parce que justement, il a trouvé ça ben trop épuisant d'être... Il a fait deux Avengers. Tu parles du gars qui a fait Buffy, là. Ouais. Oui, c'est ça. Mais il a fait les deux premiers. Ouais, ben, oui, mais il s'est quand même tanné parce que justement, il n'a plus le contrôle de son film. Puis c'est rendu ça. Ils sont tellement gros. Et là, ben, tu sais, Ron Howard, c'est lui qui a fait Apollo 13. Il en a fait plein là, des films. Willow. Il a fait plein de grands films. C'est ce genre de directeurs-là qui sont capable de dire, hey, moi, là, c'est ça que je vais faire. Je sais que je connais de shit, là. Laisse-moi faire, puis on va y aller, tu sais. Ouais, mais on l'a pitché là-dedans, puis on lui a dit, regarde, là, c'est le bordel. Règle-nous le bordel. Fait que je pense qu'il a fait un vraiment, vraiment une bonne job comparativement à ce que ça aurait pu être. Parce que tout le monde s'attendait à ce que ça soit un désastre complet et total, là, à cause des changements de direction, puis de la patente, puis. Tu sais, à un moment donné, il a réussi à sauver les meubles puis à nous amener un film qui est bien puis qui est quand même, les critiques sont bonnes puis il y a bien des fans qui après The Last Jedi là, qui se sont dit, putain, moi Star Wars c'est fini, je suis plus capable. Ils ont été voir Solo puis se sont dit, ah ben tu sais, ça me ramène un peu sa piste là, tu sais, ça au moins c'est quelque chose que je suis capable de regarder puis que je suis capable de comprendre puis que j'aime. Mais il y a des rumeurs qui disent que c'est George Lucas qui a demandé à Ron Howard, parce que son ami, tu sais. Puis Ron Howard, ça fait longtemps qu'il travaille avec George Lucas. Je veux dire, il était dans American Graffiti, des choses comme ça. Tu sais, fait il s'est dit, ben, tu irais-tu, tu sais, peut-être travailler là-dessus. Puis ça a l'air que Ron Howard aurait accepté à cause que George Lucas y aurait demandé. Ouais, ben, je serais pas surpris. Bon, c'est des rumeurs, là, tu sais. Puis Kathleen Kennedy s'était mis dans le chenoute. Puis Kathleen Kennedy, c'était la bonne amie de George Lucas. C'était elle qui aidait George Lucas dans le temps que c'était lui qui était en charge de Lucasfilm. Puis, quand il a vendu Lucasfilm à Disney pour 4 milliards de dollars, puis en passant, Disney a refait son argent depuis ce temps-là déjà, même avant que les derniers films sortent avec l'argent, c'est bébelle, toute la patente, là. Mais il s'est fait dire, tu sais, ah, on va prendre soin de ça, la vision de George, c'est important pour nous, puis tout ça, puis on veut plaire aux fans, puis la minute qu'ils ont ramassé ça, c'était comme, ah, mais tu sais, George nous a donné des traitements puis des scripts pour 7, 8, 9, mais on veut faire quelque chose d'autre, donc on va aller dans une autre direction. Fait que déjà là, ils ont craché sur ce que Lucas avait fait. Puis là, présentement, ils font ce qu'ils veulent. Puis ils s'aperçoivent que les fans sont pas nécessairement d'accord. Puis Lucas, ça a l'air que ça fait deux fois qu'il sauve un peu les meubles en donnant des bonnes critiques des films, même si ça le titillait un peu. Mais là, ça a l'air que Solo, à ce que je sache, il a pas fait de commentaires sur Solo du tout. Ce qui est normalement pas bon signe. Ouais. Mais il se serait impliqué pour que au moins le film soit sauvé en impliquant ou en demandant à Ron Howard si ça est tenté d'aller un petit peu sauver le bateau qui coule. Ouais. Bon. Mais Kathleen Kennedy, je pense que c'est symptomatique des grands studios. Là. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire. Là. C'est rendu ça. C'est rendu des films où est-ce qu'on coche les cases. OK, il faut faire telle affaire. Ah, faut faire telle affaire. Ça prenait une romance. Ah, ça prend une figure. Ah, ça prend... C'est tout le temps ça. Là. C'est les mêmes films, c'est juste pas les mêmes suits puis les mêmes environnements. Ouais, mais oui, ça arrive partout, mais si tu regardes... Tu sais, chez Marvel, là, c'est Kevin Feige qui est le boss de l'univers cinématique de Marvel. Puis lui, son but, c'est de faire plaisir aux fans. Puis c'est, oui, il faut que tu dises ton histoire, il faut que tu y ailles selon... T'sais, ton feeling, mais pas au détriment de ce que les fans veulent avoir, parce que au fond du fond, là, c'est les fans qui payent le 10, 12, 15, 20 piastres aussi pour aller au cinéma pour voir ton film. Puis s'ils vont pas, tu fais plus d'argent, puis si tu fais plus d'argent, tu fais plus de film. Fait que lui a compris en disant on va dire nos histoires, mais on va s'arranger pour faire plaisir aux fans. Puis oui, c'est pas tout le temps parfait, mais c'est jamais totalement pourri. Puis à date, le fanbase de Marvel n'a pas l'air à se totalement virer de bord pour cracher sur ce qui a été fait. Mais si tu regardes The Last Jedi, quand ça a sorti, les critiques sont hyper bonnes. Les critiques de The Last Jedi sont... C'est Rotten Tomatoes, c'est 91%. Et puis les seuls films qui avaient battu ça, c'était The Force Awakens, qui était le film juste avant. Puis après ça, les Star Wars original. Puis là... Mais pourtant, si tu parles aux fans, beaucoup de fans ont détesté The Last Jedi. Il y a plein de choses là-dedans qui étaient totalement contre, dont le fait de tuer Luke Skywalker à la fin, puis le fait que tout le long du film, Luke fait son « ben moi, j'y retourne pas, parce que ça me tente pas ». Puis c'est pas, puis même Mark Hamill le disait, « c'est pas mon Luke Skywalker, c'est pas ça ». Fait que oui, on est en train de faire des films pour faire plus pour faire du cash que pour faire plaisir aux fans. Là, Luke, je vais t'arrêter. Là, ça fait deux fois que tu dis qu'ils ont tué Luke Skywalker, mais non, Luke s'est suicidé. Là, arrête de dire que c'est les autres, c'est lui qui l'a fait. Vis pas dans le déni. OK, d'abord. Luke s'est suicidé parce que chez les Jedi, on le sait, hein, ça va prendre une ligne, soit de suicide, là, ça saute au-dessus pas mal. Ça saute au-dessus, ouais. OK, mais en tout cas, c'est ça, fait qu'on a bifurqué un peu. Ouais, là, mais... revenons à Solo. Moi, là, ouais. la patente qui me gosse, là, c'est à peu près les 25 dernières minutes. On ramène à la grande tour du vilain le gaz. Et là, revirement de situation, Beckett est rendu un vilain. Là, revirement de situation, on réussit à tuer... Beckett se sauve avec Chewbacca et le gaz. On tue le vilain. Là, revirement de situation, la fille reste là-bas et se met à jaser avec un ancien vilain qu'on n'est pas supposé d'avoir là, mais que ça ne fit pas pantoute. Je laisse ça flou, OK? Je veux juste parler des revirements, là. On reviendra à ça. Là, après ça, tu retournes, puis là, Beckett, je vais te dire l'affaire la plus importante de ta vie, Han Solo shot first, encore une fois, il y a trop de gens qui revirent leur chemise de bord. Ouais. C'est plus suivable. T'as la gang de pirates du début qui les a empêchés de ramasser le chargement, qui finalement sont les gentils, que eux veulent remettre ça à la naissance de rébellion qui est en train de se former. Il y a trop de gens qui font des turnovers, c'est plus suivable. Puis à la fin du film, tu fais comme, finalement, je suivais qui? Elle sait plus. Les bons, les méchants, les pas pires, elle sait plus. Elle sait plus. Ouais, mais je m'en doutais un peu au début que le personnage de Woody Harrelson serait pas nécessairement... Ben, il n'arrêtait pas de dire « Faut pas que tu te fies à personne, aie confiance en personne. » Ça, c'est les phrases typiques d'un gars qui va faire un turnover. Lui, j'ai pas de trouble. C'est tous les autres. Maintenant, là. Ouais, mais d'un côté, c'est logique que si lui, dans le fin fond, c'est ton méchant... C'est logique que ceux que tu pensais qui étaient méchants, dans le fin fond, sont les bons. Ça, je trouve ça correct. C'est pas si pire. Ouais, mais là, Kira qui fait un turnover en disant elle fait une prise de clé de bras, je sais pas trop quoi, à Han Solo. Elle revient de bord pour tuer son boss, entre guillemets. Là, elle revient gentille. Puis là, après ça, quand Solo s'en va, elle revient de bord du côté des méchants. Là, c'est parce que l'un qui était pas nécessaire là, dans le lot, entre autres, là. Ouais, reste du bon bord tout le long, puis après ça, switch une fois, mais fais pas quatre fois, là, maintenant, là. C'est beaucoup de revirements, mais oui, c'était... Parce que tout le long, on pense que Emilia Clarke, qui ira dans le film, va être gentille. Finalement, on le sait pas trop à la fin où ce qu'elle s'en va, mais on sait qu'elle travaille pour un pas fin. Les fans de Star Wars remarqueront aussi que Warwick Davis est toujours dans le film. Il faisait Wicket, le petit Ewok dans le Retour du Jedi. Ça a été sa première job. Puis là, il était dans épisode 1 aussi. Mais supposément que dans épisode 1 et dans Solo, ça serait le même personnage qui jouerait. Mais il est encore là, puis on le reconnaît tout de suite quand on est un petit peu un fan et on connaît sa face. C'était aussi Willow dans le film. Oui, c'est ça, ouais. Même nom, ouais. Bon, l'éléphant dans la pièce. Ouais. C'est toi ou c'est moi? Je peux le mentionner, là. Je parle, c'est qui entre moi et toi? Non, c'est dans le film. L'éléphant dans la pièce, là, c'est le fameux personnage avec qui Kira jase à la fin. Ouais. C'est pas pour rien qu'on a mentionné la chronologie du film. Où est-ce qu'il se retrouvait? Ouais. On a fait exprès, puis on n'a pas dit pourquoi, parce que il fallait le faire dans l'ordre, là. Pourquoi que Dark Maul se retrouve dans le film? C'est une excellente question. Il y a des gens qui vont dire, mais non, ça se peut pas, il s'est fait couper en deux dans Star Wars épisode 1. Oui, mais dans Star Wars Rebelle, on a établi qu'il était pas vraiment mort, qu'il avait eu des pattes de robot et qu'il était revenu. OK. Moi, je me disais, c'est peut-être un de sa race. Reste qu'il sort une épée laser. Non, mais on a voulu faire sûr que tu saches que c'était lui, justement. Oui, c'est ça. Moi, j'étais là comme, ah, c'est un autre de sa race, jusqu'à ce qu'il sorte son épée laser. Je suis comme, bon, OK, bon, c'est le même. Ouais. Moi, j'ai pas de trouble à ce qu'il soit vivant. Le problème, c'est que c'est 5 films plus tard, on l'a pas revu encore. Non. Parce que 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Il est mais où, non. Lui? Là? Mais non, parce que... OK, spoiler, ceux qui n'ont pas regardé... Le Star Wars Rebelle, bouchez-vous les oreilles. 1, 2, 3, 4. Go! Ouais, toi aussi, tu vas te boucher les oreilles. Non, vas-y. Darth Maul meurt, tué par Obi-Wan Kenobi à la fin de la saison 3 de Star Wars Rebelle, si je me rappelle bien. OK. Darth Maul court après Kenobi pour se venger de s'être fait couper en deux. Et puis, le retrouve sur Tatooine. Pendant que c'est vraiment cool comme espèce de la manière qu'ils ont seté ça, c'est que Obi-Wan veille sur Luke, puis on voit Luke au loin à un moment donné dans une scène où il joue puis tout ça, puis sa tante Beru le rappelle, puis là tu vois qu'il va courir en dedans de la hutte, puis Obi-Wan est en train de le regarder pour le protéger, donc on sait qu'il le protège, puis à un moment donné Darth Maul retrouve sa trace, va sur Tatooine pour le trouver. Et puis, il va y avoir un combat entre les deux. Le combat est un peu poche. Par exemple, ça dure comme 30 secondes, puis Obi-Wan le comme recoupe en deux. puis Darth Maul meurt dans les mains d'Obi-Wan en y jasant, plus comme, tu sais... Finalement, t'es un être que j'aime beaucoup. Finalement. J'ai plein de secrets. Puis, finalement, c'est pas ce que tu pensais. J'étais pas ici pour te tuer. J'étais ici de te donner un câlin. T'as juste réagi trop vite. Mais bon, tu sais, quelque chose de même. On dirait un décès dans Assassin's Creed, là, quand il poignarde puis il y a toutes les confessions du vilain pendant 8 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Ou le décès dans Deadpool 2. Ouais. Qui dure comme une demi-heure. Mais c'est ça, tu sais. Il meurt longtemps. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, donc, Darth Maul meurt dans Star Wars Rebels, mais il est dans Solo. Donc, c'est là qui fait que le timeline est un petit peu focouné. Parce que là, OK, ça se passe vraiment quand? Parce qu'il est-tu pas mort une deuxième fois? Il est-tu entre les deux? Il est comme body-body avec Kira, où il est comme son chef. Puis là, il dit, ben viens me retrouver sur Datomir, parce que Datomir, c'est la planète natale de... c'est dans Game of Thrones. Mais qui est en tout cas la race à lui. Donc, tu sais, fait à un moment donné. Parce que ça, c'est quand vraiment que ça se passe. C'est un gros what the fuck, là. Parce que si t'as pas vu Star Wars Rebelle, puis on s'entend, c'est pas tout le monde qui va regarder cette affaire-là. Je comprends qu'il peut y avoir du bon matériel là-dedans, mais. C'est excellent. Star Wars Rebels, c'est excellent. Je dis pas le contraire. Sauf que faut que tu t'attendes que ça se croit pas la majorité des gens. Là. Star Wars exact. Au cinéma, ça fait 2 milliards de box-office normalement. Là, ou un à peu près. Là. Fait que faut que tu t'attendes qu'il y a bien du monde qui vont voir seulement les films. T'as pas des codes d'écoute équivalentes à 2 milliards de box-office pour Star Wars Rebels. Oublie ça, là. Puis en plus, c'est une série animée pour enfants-ish, là. Ouais, mais quand même avec des moments un peu sérieux là. Ouais, mais tu sais le public cible c'est pas le grand public nécessairement. Il faut que tu sois fan de Star Wars, je pense, pour écouter ça. Faut que tu sois un peu fan de Star Wars pour écouter n'importe quoi de Star Wars, parce que sinon. Au cinéma, ça reste un happening. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont voir juste les films. Puis c'est ça mon point, c'est que tu peux pas mettre un truc dont la continuité puis la finalité se fait dans une série télé. En animé qui n'est pas consommé par l'ensemble de ton public qui écoute les films. Ouais, mais d'un côté, tu sais, à un moment donné, puis là, c'est vraiment la sauce Disney qu'on veut que tout fonctionne ensemble. Tu sais, il y a eu un nombre écœurant de livres qui ont été écrits. Ça a commencé avec Timothy Zahn là, dans les années 90 à peu près, là, de début 2000, 90, début 2000, où il a sorti trois livres qui étaient vraiment les premières nouvelles histoires de Luke Skywalker et compagnie. Il y a eu des comic books aussi qui ont sorti avec Dark Horse. Puis c'est ça qui a reparti un peu la machine Star Wars. T'sais, tout le monde pensait que c'était mort puis que tout le monde s'en foutait, puis ils se sont aperçus que si sortait un livre, des comic books, ça se vendait bien. Il est sorti une tonne de livres, une tonne de comic books avec des histoires qui allaient n'importe où. Fait que quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont dit tout ce qui est pas sur notre liste, ça devient legend, c'est plus canon, ça fait plus partie de l'histoire. Puis là, ils repartent avec du nouveau canon, mais là, ça fait partie de la totalité de l'histoire. Ça veut dire que tu peux avoir un livre qui va avoir une incidence sur le film que tu vas voir, mais si tu l'as pas lu, ben tant pis pour toi parce que tu n'auras pas le backstory de ce personnage-là. Normalement, c'est pas hyper important, mais ça reste que si tu es un peu un fan, tu veux savoir un peu ce qui se passe. T'sais. Fait que c'est un peu un problème. C'est que là, il y a tellement d'affaires. Si tu veux savoir l'histoire qui se passe entre épisode 8 et épisode 9, achète des comic books. Ils ont fait ça dernièrement. Là, il y a un comic book de Poe Dameron qui est sorti où Ray pose la question. Poe parle à Ray puis il dit ce que tu me comptes là, ça ressemble un peu comme si tu étais force sensitive, comme si tu pouvais utiliser la force. Puis tu sais, Poe de dire non, je peux pas utiliser la force, mais je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Donc, des comic books sont en train de peut-être mettre l'idée dans la tête que Poe serait un usager de la force. Ouais, comme on pensait que Léa l'était, puis. Ben Léa, elle, c'est ça, ouais, Léa, elle le sait, là, mais. Mais tu sais, fait que tu te dis, OK, fait que là, peut-être que lui aussi. Mais tu sais, Poe Dameron, là, c'est un personnage qui était supposé mourir dans The Force Awakens. Quand il se crache dans le TIE Fighter avec Finn, là, il est mort, là. Il n'est pas revenu, là. Mais. La gang de Lucasfilm puis J.J. Abrams ont dit « Ah, il a du charisme, il est cute, ce gars-là. » Fait que c'est plate de le tuer, fait que on va le ramener. Fait que tu le revois à la fin du film avant qu'il ait attaqué à la base, puis il explique zéro comment est-ce qu'il s'en est sauvé, tu sais. Ah, t'es pas mort, toi. Hey, t'as mon jacket. C'est ça. Puis là, il se donne un gros colleux quand il croise sur sa piste d'atterrissage, mais ils se sont vus, quoi, 15 minutes, là? C'est ça. Mais tu sais, fait que ça, mais dans le comic book, le même comic book, la même série de comic book, ils ont expliqué un peu comment ce qui a sorti du TIE Fighter, puis il s'est pitché par le hublot, puis là, avant que le TIE Fighter s'écrase, puis il s'est sauvé. OK, bah, c'est correct, tu sais. Mais pourquoi t'as pas recherché ton petit robot au lieu de te sauver sa planète? Tu lui as dit que t'allais le retrouver, tu sais. Il pleurait, le petit bébé 8. Ben oui. T'sais, fait il y a des affaires qui se tiennent pas, mais c'est ça qui arrive quand tu prends des décisions sur le fly. À dernière minute en disant ouais, il est pas payé, il est pas si poche comme acteur que je pensais, on le garde dessus finalement, tu sais. Puis fait c'est pas d'hier, tu sais. Rappelle-toi dans la première trilogie quand Yoda dit si tu veux devenir un Jedi, il faut que tu tues Darth Vader. Oui, comment que les autres Jedi devenaient des Jedi avant? On le sait pas, mais tu sais, Ben Kenobi qui dit ah oh, oui, j'ai connu ton père. Je l'ai vu mourir. Oui, De ma main. De ma main. Je l'ai coupé en deux puis je l'ai laissé cuire comme un petit poulet. Après ça, j'ai appelé Chewbacca puis on l'a mangé. Ouais! Il était cuit. Mais... Non, fait que c'est ça. Disons qu'il y a une couple de mensonges. Quand tu réécoutes dans l'ordre chronologique, tu fais comme « c'est un menteur ». Mais c'est un peu ce que puis c'est correct ce que Rian Johnson a fait un peu dans L'Âge Jedi, c'est que Luke l'explique. Il dit la raison pourquoi que je veux pas retourner, c'est que les Jedi ont juste été... Les Jedi sont le problème majeur de l'univers. C'est eux autres qui ont laissé Darth Sidious, qui est devenu Palpatine, prendre le contrôle de l'univers parce qu'il était tellement... c'est pris à regarder leur propre nombril, mm-hmm. qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait alentour. C'est un peu vrai. Puis les mensonges, puis tout ça. Puis tu peux pas, si tu es un Jedi, tu peux pas te marier, tu peux pas avoir de blonde, tu peux pas avoir d'attachement. L'attachement, puis la peur, puis la tristesse, ça rend méchant. Puis toute la. Regarde, à un moment donné. Là, vis tes émotions. Ben apprends là, à les gérer plus qu'à les ignorer par les tasser dans un coin. Là. C'est ça, parce que si tu refoules tout, à un moment donné, ça va péter. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça que Luke dit à un moment donné, c'est que les Jedi sont le problème dans l'univers. Fait que je veux que ça se termine là. T'sais. Il n'y a pas tort, mais bon. Fait que si on revient à Solo... Non, on peut rester là. OK. Non, mais c'est ça. Fait que c'était pas nécessaire. Ben, c'est surtout que c'est un gros mindfuck pour toutes les gens qui ont vu que les films. Ouais. Moi, là, je suis allé avec une de mes amies. D'ailleurs, je la salue. Elle vient de donner naissance à un bébé là, il y a cinq semaines. Là. Puis elle le faisait garder pour la première fois. C'est ma blonde qui s'est occupée du bébé. Nous autres, on est allé voir le film. Puis elle me contait qu'elle est allée voir dans une séance là, avec les mamans. Là, séance bébé cinéma. Là, Et ben c'était Deadpool 2. Je trouve ça très drôle d'être en train de donner le sang en ayant des jokes de cul de Deadpool puis des gags trop osés. Je trouve le clash vraiment cool. Surtout quand Deadpool se fait repousser les jambes en bas, elle dit regarde son bébé, elle dit t'en as des pareils. moi, je trouve ça très drôle. C'est ça. Nous autres, on est sortis du film puis on a fait ouais, mais reviens pas, là. Ça fait 5 films là, qu'on l'a pas croisé. Là. La continuité d'un vilain, là, ça serait. Ça, là, ça pourrait être un projet. Fais-nous un film qui a de l'allure, là, qui nous. Ben, des films, là, qui nous présentent comment est-ce que ça fonctionne pour devenir le big boss des vilains. Parce que là, en ce moment, c'est pas clair de comment est-ce qu'il se passe la chandelle. Les gentils, ça lui prend des formations, puis de la formation, puis du temps, puis dans les films, t'as des vilains qui pop comme par-ci par-là, qu'ils contrôlent la force, puis sont super puissants, ouais, ils ramènent des épées, puis merci, bonsoir, contrôlent ça n'importe comment. Ça roule, là, la business roule en tabarouette du côté des vilains. Là. Ouais, c'est. Mais des gens, on a de la misère à en avoir. Faut qu'on fasse un détour dans une scène qui sert à rien au casino pour voir à la fin un gamin qui lève un bâton, un balai par la force. C'est puis ça, si les gentils, là. Puis si tu regardais pas... Tu l'as manqué. Si t'étais pas attentif, tu l'as manqué. Parce que oui, j'ai dit à quelqu'un, t'as-tu remarqué, à la fin, le jeune prend le balai. Moi, je l'avais pas vu. Ah, ouais? J'ai vu le film deux fois, puis je l'ai pas vu encore. Non, c'est peut-être à toi, je le disais, quand on a fait la critique. Ça se peut, ouais. Mais ouais. Oui, je l'avais pas vu. Quand on a fait la critique, c'est ça, je l'avais pas vu. C'est après, en voyant des vidéos sur YouTube, qu'il en parlait, je suis ah, ouais? Ah, c'est pour ça qu'on voyait le kid. Moi, je cherchais, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un peu dérangeant, mais tu t'aperçois qu'il s'ouvre une porte pour... Ben, c'est là le problème. Faire d'autres choses. Puis la rumeur est qu'il va y avoir un film de Boba Fett, puis peut-être qu'on va voir Darth Maul dans le film de Boba Fett, parce que le gars qui faisait Darth Maul, Ray Park, est ben chum avec, je pense que c'est Daniel Logan, qui était l'acteur qui faisait Boba Fett. Ça, c'est le petit-fils de Wolverine, right? Ouais, c'est ça, Logan. Ouais, non, pas vraiment. Mais non, c'est ça. OK. Fait que tu sais, il y aurait une rumeur comme quoi qu'il y aurait un film de Boba Fett puis que Darth Maul serait peut-être dedans. Fait que... Ouais, mais là, si tu le remets là puis il meurt pas plus, t'es un peu fourré quand même dans tes autres films. Là. Faut que tu le voyes mourir, sinon... Ouais, qui mourrait? Darth Maul? Ouais, Darth Maul. Faut que tu le vois au cinéma mourir, sinon il y a un problème de continuité, là. Ça, je te dis, c'est. Tu peux pas obliger le monde à avoir 4 saisons de films de séries animées, là. Ouais, mais le monde seront juste pas qu'il est mort. Ou il s'en vient un film de probablement un film de Obi-Wan Kenobi aussi. Ben, ça pourrait être là. Est-ce que tu montes cette scène-là quelque part dedans, comme quoi Darth Maul? Ben, ça pourrait être un beau wrap-up de dire Ben Kenobi était là, surveillait le kid. Ouais. Ben, tu sais, ça pourrait très bien se transposer. Là. Ah, il y a des aventures, puis c'est lui qui est comme le gardien sur la planète où est-ce qu'il se passe rien. Puis ouais. Il y a du monde qui essaie de rattraper le kid, puis jusqu'au point où est-ce que ben ils ont pas le choix d'envoyer le big méchant là. C'est ça. Ça puis, pourrait, là. Mais Darth Maul est plus rattaché au site à la fin de Rebelle. Ben c'est ça, je t'ai dit, c'est compliqué chez les vilains. C'est quoi la hiérarchie? Comment est-ce que ça se passe? Là? Exactement. Mais c'est ça, oui, ça serait une idée de voir Darth Maul à un moment donné, la même scène, faire la scène qu'on a vue dans Rebelle, mais avec Ewan McGregor, qui est prêt à revenir pour rejouer Obi-Wan Kenobi. Puis tout le monde a accepté Ewan McGregor comme étant Obi-Wan Kenobi, même si c'était Alec Guinness qui le joue au début. Tu sais, c'est pas lui qui a fait... Les acteurs... lui, il a pas fait une mauvaise job. C'est le CGI et la direction d'acteur qui était tout croche. Oui. Il faut dire, Liam Neeson n'était pas le meilleur Jedi qu'on a vu non plus. Là. C'était pas son meilleur rôle, mettons, là, mais c'est ça. Puis le gars qui a fait Anakin... Bon, il y a des problèmes aujourd'hui parce que ça a mal passé, puis il s'est fait insulter, puis tout, mais bon. Mais oui, donc on pourrait faire ça, puis je verrais très bien un film d'Obi-Wan qui se passe sur Tatooine le trois quarts du temps, puis il fait juste checker Luke pour pas qu'il se fasse tuer. Fait que Un genre de James Bond, là, il est dans l'ombre, puis il fait toutes les affaires, puis oups! Luke s'en rend jamais compte, là. Tu sais, il marche, il y a une crevasse, puis là, Obi-Wan fait juste mettre Il tasse une planche. Il tasse une planche au-dessus pour pas qu'il tombe dedans. C'est un peu le jeu des Lemmings, une affaire de même. Ouais, ça pourrait être ça. Il fait des commentaires comme « Est-ce qu'il est con, ce jeune? » Quelque chose de même, tu sais. Mais, tu sais, on pourrait faire n'importe quelle histoire, puis faire, oui, Obi-Wan qui se bat contre des méchants pour arrêter Luke, mais pour sauver Luke, je veux dire, sauver Luke d'une mort certaine, ou peu importe, je sais pas. Ça pourrait être une histoire intéressante, genre de voir ce qui va se passer. Mais c'est là que tu vois qu'ils se sont dit « Ah, OK, Han Solo, faut qu'on se garde du lousse, faut pouvoir faire d'autres choses. » Puis c'est dans ce temps-là que t'as un... C'est dans ce temps-là que tu crées des problèmes plus que t'en résous. Là. Quand Lucas a fait la première trilogie, là, il a bâti un univers. Il s'est pas dit « Ah, là, je laisse un trou pour un film. Ah, là, je laisse un trou. Là, je laisse un trou. » Non, il a essayé de faire l'univers le plus complet. Puis c'est à partir de les affaires que t'as pas de réponse que tu fais comme « Hey, ça pourrait être cool d'aller explorer ça. » Puis c'est là que ça connecte bien. Ce qui était cool de Rogue One, c'est que tu le savais que tu n'avais pas besoin de te dire « Hey, au cas que ça fonctionnerait, faudrait que je me garde l'équipe vivante là pour pouvoir faire un 2. » Ben non! Tu fais ton film de A à Z, tu le sais où est-ce que ça doit finir, et ça finit exactement là. Puis c'est une grosse partie de la magie qui fonctionne dans ce film-là. C'est la connexion qu'on fait avec le 4. Où est-ce qu'on vient rajouter Dark Vader, là, si on est lucide, là, puis on est allumé, puis on voit ça avec les yeux d'aujourd'hui, là, c'est probablement la scène où est-ce qu'il a de l'air le plus puissant de toutes ses apparitions au cinéma. Ah, mais c'est clair, mais faut que tu te dises aussi... Mais ça va être la technique, puis ça, je comprends ça, là. Mais ça vient rajouter à la mythologie du personnage, au lieu de diminuer ou de cramer des affaires. On est venu connecter les points, puis on n'a pas fait plus, on n'a pas fait moins, et c'est ce qui a rendu ce film-là génial. Là, dans Solo, on s'est gardé de la marge de manœuvre pour faire comme... Ah, mettons que ça pogne, on pourrait avoir un Solo 2. Ça marche pas, ça serait mauvaise... duo. C'est une mauvaise façon de penser, puis c'est un piège, puis ils sont tombés dedans. Ouais, mais c'est penser à la Disney, c'est penser à la combien de films qu'on peut faire avec une histoire un petit peu ramanchée pour faire de l'argent, là, je veux dire. Puis, ben, tu vois, jusqu'à maintenant, les films de Marvel, la plupart se passaient sur la même continuité. Il y avait Captain America qui était un retour dans le temps. Tu avais une partie des Gardiens de la Galaxie 2 qui revenait là, avant que Peter Quill naisse. T'as des petits flashbacks comme ça, là, des retours dans le passé, mais le reste, c'est tout dans la même continuité. Et là, dans les prochains films, t'as Ant-Man qui va se passer avant Infinity War. Fait qu'il va falloir que tu connectes des points puis que tu t'es laissé de la place sans que tu aies eu besoin d'avoir les réponses de ce qu'ils ont fait dans Infinity War parce que tu les vois pas apparaître. Et tu as le film avec Captain Marvel que tu vas devoir créer, qui lui aussi doit se ramasser dans une plage où est-ce que faut que ça l'ait servi à quelque chose, mais en même temps, faut pas que tu aies vu les conséquences de ça avant parce que sinon, tu aurais eu des indices qui avaient été là avant. ce que tu n'as jamais eu dans le Marvel Universe. Ça, c'est là où est-ce que ça commence à être dangereux pour les films de Marvel, particulièrement pour la continuité. Il y a des pièges, puis on va voir s'ils vont tomber dedans. On va voir. C'est une bonne question. Mais ouais. C'est ça. Mais bon, c'est la machine Disney qui a ramassé ça. Il va y avoir théoriquement des films de Star Wars jusqu'à la fin des temps. Mais peut-être qu'ils ont appris une leçon avec Solo parce que les fans, beaucoup de fans n'ont pas été au cinéma pour le voir. Les fans vont le voir. Les fans vont le voir quand ça va sortir à la maison ou qu'ils vont pas le regarder sur Netflix, si ça sort sur Netflix un jour, là. Ou en DVD ou tout simplement ailleurs, là. Mais il y a beaucoup de fans qui ne se sont pas présentés au cinéma. Parce que si tu regardes le montant d'argent que ça a fait, c'est minime comparativement à ce que l'Âge Jedi puis l'éveil de la Force a fait. Ouais. Je m'attendais à rien parce que j'ai pas suivi le développement. Je suis pas un méga fan. J'ai pas vu les bandes-annonces. Et je te dirais que les notes que je vois passer, là, le Tomato Meter, les critiques lui donnent un 6.4 sur 10, les fans un 7 sur 10, ça ressemble pas mal à ça. Là. C'est assez legit en termes de notes. Là. Moi, je vais y aller avec un 7 parce que c'est à 70% un bon divertissement. Puis le dernier 30%, me gossé solide. Ouais. Non, je suis d'accord. J'irai avec la même chose. J'irai avec un 7 moi aussi. Je m'attendais à plus d'Emilia Clarke, franchement. Une fille qui est excellente dans Game of Thrones puis qui sort pas nécessairement beaucoup du lot dans ce film-là. Ben, c'est à se demander si c'est un one-trick pony. Es-tu juste capable de faire son personnage de Game of Thrones? Ouais, peut-être. Il y en a là, des acteurs que... C'est ça, tu sais, le gars qui jouait Columbo a fait juste Columbo dans sa carrière, ouais. Hein? Mais pourtant, c'est une fille qui, tu regardes en entrevue, là, est hyper charmante, est gentille, est drôle. Ouais, mais là, fallait qu'elle joue 8 couches de personnages qui turnover par-dessus ton turnover. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça. Je sais pas. Peut-être ça. Je dis pas qu'elle est pas bonne. Je dis juste, je m'attendais un peu à plus. Je la pensais plus convaincante que ça dans son rôle. Puis, c'est pas elle qui ressort du lot le plus. Moi, d'après moi, la grande étoile de ce film-là, c'est Donald Glover avec son Lando. Puis les autres sont bons aussi. Ranking de personnages, moi, je dirais... j'ai vraiment aimé Solo. Là. J'ai trouvé vraiment bon. Après ça, je dirais Beckett. Puis après ça, Lando. Mais par pas grand-chose. Je trouve que c'est quand même assez homogène. Il y a pas personne qui détonne puis qui tire par le fond l'équipe, là. Tu sais, Beckett, je l'ai trouvé ordinaire. Je l'ai trouvé prévisible. Je l'ai trouvé... Il joue Woody Harrelson. Fait que j'ai... Tu sais, ouais, c'est peut-être moi qui est encore sous le charme. Là. Moi, ça marche encore. Là. Toi puis Woody. Moi puis Woody. Ah, des petits atomes crochus. Ah, OK, oui. C'est cute. Yeah. Vous êtes cute, toi, deux. Fait que c'est ça. Ouais, fait que... On conseille-tu aux gens d'attendre de le voir en Blu-ray... Netflix. Si vous êtes fan fini, allez-y. Puis aidez un peu Disney à rentrer dans son argent. La charité. On fait une levée de fonds, gang, OK? On fait un téléthon. Mais sinon, c'est un film qui va très bien se regarder à la maison. Là. C'est pas. Vous êtes pas obligé. Mais c'est un excellent film. Pour moi, c'est proche de ce que Rogue One était. Mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir au cinéma. Là. C'est vraiment le premier film de Star Wars que je vous dirais. Si vous êtes capable de patienter, là, regardez la maison, vous allez sauver de l'argent. Ça va vous coûter moins cher d'acheter le Blu-ray que d'amener 4 personnes au cinéma pour le voir. Effectivement. Vous êtes rendu. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous n'êtes pas si pressé que ça de le voir. Fait attendez une couple de mois de plus. Il va sortir en DVD probablement à la fin de l'été ou quelque chose comme ça. Là. C'est tellement rapide maintenant, c'est comme 6 mois. Puis le film sort en DVD. Il y a quoi? Tomb Raider qui s'en vient. Black Panther est déjà sorti en DVD puis en Blu-ray. T'sais, c'est hyper rapide maintenant. Le temps entre que le film est au cinéma puis le film sort pour la maison, ça s'est raccourci depuis quelques années. Mm-hmm. Attendez donc une couple de semaines. Ben oui. Vous le louerez, vous l'achèterez. Ça existe encore, un Super Club Vidéotron? Je pense que oui. De moins en moins, là, mais... sûrement encore. Dépêchez-vous, les autres sont sur le bord de mourir. Pas Disney. Non, Disney... mais ça va peut-être leur donner une petite leçon. Peut-être qu'ils vont ralentir un peu la cadence. Possible. J'ai déjà dit, à un moment donné, il va y avoir une fatigue Star Wars. C'est qu'à un moment... Tu sais, en tant que fan, on était habitué de voir un film aux 3 ans. Là, on a un film par année, puis là, ça fait 6 mois que The Last Jedi est sorti du cinéma. Il vient de sortir en DVD. Puis là, t'as un autre film de Star Wars qui sort. À un moment donné, le monde va juste se tanner. T'auras plus le temps d'avoir hâte au prochain. Parce qu'on va t'éraquer un en arrière de l'autre. À un moment donné, faut que les gens anticipent un peu. Tu sais, tu pars en voyage, tu dis à ta blonde, chérie, dans 6 mois, on s'en va à Cuba. T'as-tu hâte à 6 mois-là, mais tu savoures-tu chaque étape pour te rendre à ton voyage à Cuba jusqu'à la journée que t'es à l'aéroport? Tu sais, tu fais tes valises, tu s'en vas à l'aéroport, tu t'arrives à Cuba. Un coup, t'es arrivé à Cuba, tu dis, ben, tu sais, on est ici une semaine. Dans une semaine, tout le 6 mois qu'on attendait, c'est fini, tu sais. Ton anticipation est finie, t'es rendu là, puis après ça, c'est juste un souvenir. Laissez le temps aux fans d'anticiper le prochain Star Wars. Pas dire, ben, fais-toi-en pas, t'en as un autre dans 6 mois, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Le prochain est au mois de décembre l'année prochaine. Au moins, on va avoir un petit peu plus longtemps à attendre. J'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est pas mal ça. Yeah. Si vous voulez, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors du Festival Geek Culture de Lanaudière. Ouais. On va être samedi en après-midi. On va aller faire un enregistrement de podcast en direct de la réalité augmentée. Toi, moi et 2 autres garnements vont se pointer. Ça reste à déterminer là, qui va être dans le lot. Je pense que Max et Steve Jonathan venait aussi. Ouais, je pense que Jonathan. On va peut-être être 5. On va se splitter un micro. Nous allons parler, je pense, de E3, d'affaires geek. Là, on ne sait pas encore. Là. Mais on va être sur place. Donc, si ça vous tente de venir nous rencontrer dans le cadre du Festival Geek Culture de Lanaudière, ça se passe le week-end du 15, 16 et 17 juin prochain. Donc, juste avant la fin des classes, les billets sont encore disponibles. Là, vous pouvez déjà vous procurer ça en ligne. Il y a d'autres podcasts québécois qui vont être là. Parlons Balado vient faire son tour. Les Imperturbables, Le Petit Bonheur, L'Artiste, Le Geek et L'Otaku vont être là. Et aussi, les Larouches. Jérémy Larouche, l'humoriste avec ses 2 filles qui font une chaîne YouTube. Et Jérémy Larouche qui fait aussi le podcast Mouhaha. Qui seront de la partie, ainsi que Mashup Relish Moutarde. Donc, c'est la programmation côté podcast qui seront là. Il y a plein d'autres artistes et invités là, dans le cadre du festival. Et nous, ben, on se joint à ça. C'est notre premier événement live dans un festival. On est vraiment contents. On va pouvoir finalement fêter notre 100e. Effectivement, c'est l'occasion. C'est là qu'on fait ça. Juste, 149 émissions plus tard? Ça ressemble à ça. Non, je pense qu'on est rendu à 238, quelque chose de même. Là. On est juste 138 émissions trop tard pour fêter notre 100e, mais bon. Ah, c'est le 241e qu'on fait là. Bah, tu veux, on est juste 140 émissions trop tard. Effectivement. Rien là. Rien là, voyons. La petite bière. Ben oui, écoute. Être à jour, c'est pas notre force. Ça et bien d'autres choses. Effectivement. Luc, en dehors du Geek Culture, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur la 40 tous les matins. Aussi, jamais dans le trafic. Jamais dans le trafic, c'est la 40 tous les matins. Vous pouvez m'écouter sur Ça roule radio, émission sur l'automobile que je fais avec mon copain Marc Bouchard. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, à Scalazormo, et vous pouvez venir me voir sur Facebook à Luc Desormeaux. Et puis, est-ce que tu pitches at large la nouvelle que tu as annoncée aujourd'hui sur ton Facebook? Ah, je peux bien. Je vais à partir de lundi écrire sur l'automobile dans le journal Métro. Donc, si vous êtes au centre-ville de Montréal et vous ramassez le journal Métro, ben lundi, vous allez avoir mon premier article sur l'automobile. Donc, ça commence la semaine prochaine. Cool! Je suis vraiment fier de toi, man. Ouais, je trouve ça vraiment hot. J'ai reçu un courriel la semaine passée. C'est vendredi, c'est rentré comme un cheveu sur la soupe. De la rédactrice en chef du journal Métro qui me disait « Ah, je me cherche un journaliste automobile, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que ça t'intéresserait? » Puis on a discuté un peu, puis ça tu vas être payé des millions de dollars! Ah, puis là, j'ai petits doigts sur le bord de la bouche. Ouais, hein. Non, mais c'est ça, ça va être intéressant. Ça fait quelques années que j'avais pas écrit, donc j'ai repris ça. J'ai appris ça dernièrement. On va voir ce que ça va donner, mais j'adore écrire sur l'automobile. J'adore parler d'automobile comme de techno et d'autres gogos, mais c'est ça. Donc, oui, c'est bien. C'est le fun de, de recommencer un peu à écrire. Puis pour le journal Métro, c'est disons que c'est une toute autre histoire. Ben là, c'est un autre reach. Là, C'est autre chose. Ouais, c'est selon ce que j'ai vu, c'est quelque chose comme 1,3 million de journaux imprimés par... édition? Ouais, c'est cool. Ça. C'est par édition, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui lisent le journal. Puis il y a beaucoup de copies imprimées. Donc, c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner. C'est plus de 1,3 million de lecteurs par semaine. Bon. Écoute, moi, de mon côté, s'il y a quelqu'un qui veut me faire écrire là, dans le journal, là, moi aussi, je suis capable d'écrire. J'ai pas de preuve de ça, là, mais je suis capable. Capable. Bien écrire, c'est une chose. Écrire, ça, c'est facile. Effectivement. Non, t'écris bien. Oui, puis tu sais, comme c'est un peu ma job, là, mais en tout cas, je dis ça à la blague. Ouais, on ne sait jamais. Je lance ça à l'univers. Je lance l'idée. Oui, moi, j'ai deux autres podcasts. Un qui est en pause pas mal de ce temps-là par la faute à Nicolas. Car, on va le dire, là, c'est lui le problème dans le duo. Moi, je suis là. Je suis prêt. Pas fiable. Mais tu préfères des shows solo? Non. J'ai essayé, puis non. OK. Bon. Ouais, le magazine général, vous pouvez bien sûr aller réécouter les épisodes. C'est toujours en ligne et disponible. Sinon, ben la POC, on est un petit peu plus parsemé, mais nous sommes encore là. On a quelques épisodes encore à venir, là, entre autres sur la finale de la Coupe Stanley, sur le repêchage, le marché des agents libres du 1er juillet. Et aussi, j'ai deux émissions que je vais réaliser cet été, entre autres sur un chercheur, avec un chercheur sur le phénomène des commotions cérébrales et aussi avec un ancien directeur général de la LHGMQ. Donc, ce sont des épisodes qui vont s'en venir au courant de l'été pour ce qui est de la POC avant de recommencer pour notre... quatrième saison, si je ne me trompe pas, quatrième ou cinquième, il faudrait que je revérifie. Parce que oui, on va revenir à l'automne prochain, tout feu, tout flamme, comme toujours, pour vous parler de hockey avec Jerry. Parfois, Jerry est là. Et avec Sylvain Rioux. Jerry, c'est parce qu'il est devenu une diva. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'est pas toujours là. Tu sais, les grosses vedettes, des fois, ça pue beaucoup de temps pour... C'est ça, pour le petit peuple. Pour les fans et tout ça, là, mais c'est ça. C'est du monde dommage. De même. Hein? Ouais, c'est dommage. Dommage que tu t'es monté à la tête. Ouais, exact. Sinon, sur Twitter, @gangj_b et je vais gagner sur Facebook. D'ailleurs, tous mes podcasts, dont La Réalité Augmentée, nous avons des comptes sur Facebook et aussi sur Twitter. Suffit de nous chercher. Ouais. Voilà qui complète pour le show de cette semaine, Luc. Merci pour ton expertise Star Warsienne. Ah, ça me fait plaisir. Hein? C'est ça. Ouais, ça a de l'air, hein? Oui. Moi, je suis le maître des connaissances inutiles. Oui, hein? Ouais. C'est ta grosse force, hein? Ouais, du stock utile, pas trop, mais la connaissance inutile, je suis pas mal bon là-dedans. Cool. Bon, ben écoute, voilà, c'est ce qui fait le tour pour le show de cette semaine. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. Et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de La Réalité Augmentée. Bye-bye! Bye!